fou d'artistes émergents. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. David Ferron sera présage de malheur en renversant ses notes salées sur la table du studio. Et Stéphanie évaluera les dégâts linguistiques dans la chronique sa plus simple expression. Assemblage Rookie commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 26 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Hey, hey, bon matin. Bon matin. Je pense que David est vraiment présage de malheur. On dirait que ce matin, tout tourne mal. Comment ça? Tout tombe à terre, j'ai des dégâts partout. Comment ça? Ça arrête pas, c'est la faute de David. Tu t'es échappé? Ah oui, c'est ça. T'as fait des dégâts? C'est ça, exact. J'ai fait un petit chemin de chez nous à ici. Pour me retrouver plus tard ce soir. Oh, t'as mis des roches, je sais pas, t'es pas mis blanche, là. Non, ok, hier c'est des roches. Je pense que j'ai fait pipi tout le long. Ouais, c'est ça, petit poussin. Non, des miettes de pain, au cas où j'aurais faim à la fin de la soirée. Mettons, peut-être ça ce soir. Ça peut qu'il soit plus là. Genre. Bref, aujourd'hui, Steph, à l'émission, c'est un lundi. Donc lundi, c'est David Ferron, lundi. Avec les notes salées. On l'a dit. C'est vrai ça. Donc David Ferron va être là à 8h30 pour sa chronique Les Notes Salées où il nous présente quelque chose en rapport avec la musique du monde ou des fois la musique en général. On déménage des chroniques de place. D'habitude, on ferait sa plus simple expression le mardi. Là, ça va être le lundi, dorénavant. Ben oui. Dorénavant. C'est rendu là. C'est comme ça. Donc le lundi matin à 9h. Et puis on change. On met le mardi. Ça va être Master Steph et une grosse pointe à l'adresse en combo. Le Exactement. Mardi. Voilà. Puis mercredi, à rien, pardon. Donc ça va être l'émission d'aujourd'hui. On va aussi faire C'est un fait parce qu'on est lundi. Puis lundi, c'est la traduction. La traduction. Aussi. It's a fact. Voilà. C'est la traduction de la tradition du lundi. C'est ça. Eh bon. Ça commence lentement. On va finir par se rendre. On va starter ça, cette histoire-là, cette machine-là d'assemblage requis en ce lundi matin. Avec un petit peu de Ballad Sebastian sur l'album Girls in Peacetime Wanna Dance. Voici Nobody's Empire. Au 89 FM, c'est fou. Bonne journée. Tant qu'à ça. Ouais. French, but the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw. When my father lifted me up there, he took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she pulled out a rock. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me dangle a while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to go. side you were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera I'd snap you now, cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by the books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now I look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. I'm marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was it strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent blow. It was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. On to the Belle and Sebastian et la pièce Nobody's Empire. Voilà. Sur la Turquie, Nobody's Empire. C'est l'empire de personne partout. C'est ce qui nous amène à C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables. Steph, on commence avec la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, les Alliés avaient un ours qui détestait les nazis pour les aider lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ah! Ils transportaient des munitions et des équipements avec les soldats, donc il y avait un ours. Un ours, évidemment, qui n'aimait pas les nazis. Pas le choix, là. Hein, son nom, c'était Wojtek, qui était un ours dans l'armée polonaise et un méchant badass, selon certains. En quelque part en Pologne, il y a une statue de lui. En plus, un peu intense. Netflix, iTunes, Hulu et Amazon ont tous refusé de diffuser en continu ou en flux, en stream, le 200e et le 201e épisode de South Park à cause d'une apparition de Mohamed Mahomet à l'intérieur. Présentement, ils ne sont pas disponibles à streamer nulle part légalement. South Park a dû aussi censurer les épisodes sur les versions DVD. Ah ouais? Ouais. Mais ça donne comme plus grand-chose d'y faire, ces épisodes-là, finalement. Non, c'est ça, genre. C'était ça, puis ils sont censurés. Donc, ouais. Ensuite, c'est illégal dans plusieurs pays de performer des procédures chirurgicales sur une pieuvre sans anesthésie à cause de leur intelligence. Mais juste les pieuvres? Les pieuvres, entre autres, là, j'imagine. Mais selon Wikipédia, donc les pieuvres. Les poulpes! Est-ce que c'est la même chose, poulpe et pieuvre? Ben, probablement pas, ça n'a pas le même nom. Je pense que non. Bah, tu sais, il y a des affaires qui ont les mêmes noms en vie. Mais bon, donc à cause de leur intelligence, voilà. La Russie. La Russie a eu dans le passé une unité policière composée de jumeaux identiques à cause de leur chimie et de leur intuition d'équipe. Plus élevé que la moyenne. Donc on avait une unité policière composée de jumeaux. Et ben. Encore une fois, tous les liens sur assemblagerequis.com pour ceux qui ne croient pas mes faits. Même si Martin Luther King Jr. n'avait que 39 ans au moment de sa mort, les résultats de son autopsie ont révélé qu'il avait le cœur d'un homme de 60 ans. Les docteurs pensent que c'était le résultat du stress. Oh. Pauvre MLK. Oh. Alan Gantz a le record du monde pour la plus longue carrière en tant que livreur de crème glacée. Il vend de la crème glacée juste à l'extérieur de Boston depuis 1947. Les gens du coin l'ont eu comme livreur de crème glacée depuis trois générations et il connaît 90% de ses clients par leur nom, leur prénom. Quand même! J'imagine qu'il y a 10% qui reste parce que c'est leur première visite. Peut-être. Mm-hmm. C'est ça. Ils sont tous masqués. Ils viennent tous Vous cherchez de la connaissance avec un masque. Witold Pilecki, un soldat polonais, on revient à la guerre un peu, est considéré comme un des plus grands héros de guerre en 1941. Il s'est porté volontaire pour être mis dans un camp de concentration pour prouver aux alliés que l'Holocauste était réel. Pendant qu'il était emprisonné à Auschwitz, il a organisé un mouvement de résistance et éventuellement a réussi à s'échapper après 3 ans. Ouais. Quand même 3 ans. 3 ans, c'est ça. Le plus grand jardin de fleurs s'appelle Kokkenhof. C'est situé aux Pays-Bas. Les deux photos que vous voyez sur assemblagerequis.com sont nommées la rivière de fleurs. C'est tellement joli. Ça a l'air fluffy. Ouais, genre. Ce jardin-là couvre 32 hectares et 7 millions de fleurs plantées par année. Ouais. Eh ben. Quand même. C'est tout bleu. C'est tout joli. Il y a une ville qui s'appelle Pourquoi? Why? En Arizona. Et il y a une ville qui s'appelle Pourquoi pas? Why not? En Caroline du Nord. Là, ils cherchent le trouble. Je pense que c'est fait pour ça. Ensuite, l'État de l'Utah. Il y a quelque chose là-bas qui s'appelle le Best Friends Animal Society Sanctuary. Donc le Il y a aussi les Mormons. Les Mormons, en effet aussi, tes collègues Mormons. Le sanctuaire des meilleurs amis des animaux. Là. Donc c'est une maison de 3700 acres avec 1700 animaux qui ne sont pas désirés. Donc là-bas, c'est que tu peux rencontrer et adopter les animaux, faire une petite tournée du sanctuaire ou te porter volontaire pour en prendre soin. Et puis c'est ça, c'est le plus gros sanctuaire pour animaux de compagnie où on ne les tue pas. C'est cute. Très mignon. La Norvège a 850 milliards de dollars en argent en réserve, surtout provenant de l'huile, du pétrole, et ils choisissent de l'investir au lieu de le dépenser. Ah. C'est 850 milliards de dollars. Une femme de 90 ans a enfermé des officiers de police dans son sous-sol parce qu'ils allaient chercher sa maison sans avoir le permis de fouiller. Un mandat, voilà. Donc elle a ensuite poursuivi la ville et elle a reçu 95 000 $. Donc, bravo. Ouais, mais elle a pas été... Ben, je sais pas, t'as quand même pas plus le droit de séquestrer des policiers. Non, ben, c'est ce que je me disais là aussi. Ouais. Je me demande bien si elle connaissait la twist. Peut-être qu'elle aurait eu le double de ce montant-là si elle les avait pas enfermés. Ah. Elle a payé une amende. Oui. Qui était de 95 000. Ououais, voilà. Il y a resté 95 000. Ben, c'est ça, tu sais. Exact. Les pimps. Il y a un mot en français pour ça. Il y a un mot en français pour ça. C'est un... Tu sais ce qui va être proxénète, là, puis les autres mots en français pour ça. Okay. En tout cas, vous savez de quoi je parle, mais les pimps portent beaucoup de bijoux en or achetés dans des pawn shops pour pouvoir les repawner pour avoir de l'argent pour pouvoir sortir de prison, étant donné que l'argent est confisqué lors de l'arrestation, mais pas les possessions autres que l'argent, genre les bijoux. Donc apparemment, c'est pour ça qu'ils portent de l'or sur eux pour pouvoir sortir de prison si jamais ils s'en vont là. Eh bien. Un jeune directeur général ou CEO de 21 ans nommé Ricardo Semler a racheté une compagnie de 4 millions de dollars, a viré, renvoyé 2/3 de tous ses hauts placés et a donné le pouvoir aux employés, tout ça son premier jour au travail. Et maintenant, ben, ils font plus de 200 millions de dollars dans cette compagnie-là. Wow. C'est une idée comme ça. Il y a une petite ville dans Minnesota nommée Dorset qui va élire son maire. En fait, c'est la tradition, ils élisent leur mère en prenant un nom dans un chapeau, un nom au hasard, pendant un festival qui s'appelle Taste of Dorset. Et ils ont donc déjà eu un maire de 4 ans, nommé Bobby Tufts, donc âgé de 4 ans. C'est dans la ville de Dorset, dans le Minnesota. Je m'excuse, là, mais c'est un petit peu sans dessin comme façon de faire. Là. Un petit peu. Je suis sûr qu'il est moins controversé que le maire qu'on a ici. Donc, Ben oui, mais quelle sorte de décision tu veux qu'il prenne? Crème glacée pour tout le monde? Non, mais attends, là, on n'est pas à Rome, là. Tu sais, dans le temps, là, des Romains. Oui, les jupettes. OK, oui. T'as de la romance? Non, mais c'est parce que, au moins, tu sais, déjà, si tu prends quelqu'un qui n'est pas compétent, prends au moins un adulte, là, qui a le droit de voter. C'est genre. L'ancien joueur de la Ligue nationale de football, Jason Brown, a quitté le football et un contrat qui valait des millions de dollars pour devenir fermier. Et il a appris ça sur YouTube. Donc, pour prévoir comment sa ferme allait fonctionner, sa ferme qui s'appelle First Fruits Farm, la ferme des premiers fruits. Dans le fond, le plan est de donner tous les premiers fruits de chaque moisson pour nourrir les gens qui n'ont pas de nourriture, qui sont affamés. C'est le gars, il a demandé la switch du bénévolat et la switch du bien commun. Mais sérieusement, pour... Non, ça prend du cœur, ouais. Une chose. Puis, écoute, là, aller au bout de ses rêves comme ça, c'est beau. Exactement. C'est beau. À un certain moment de sa carrière, il avait un contrat de 37 millions de dollars sur 5 ans avec les St. Louis Rams. Son agent lui a dit « Tu fais la pire erreur de ta vie. » Et je l'ai regardé, j'ai dit « Non, pas tout. Pas tout, pas tout. » On a quoi qui se mêle? Ben voilà. Aux États-Unis, si ton chien a besoin de se faire transplanter un foie, tu peux en prendre d'un animal qui... Non, ça c'est pas un foie, c'est un rein. Je t'assure, je l'avais. Donc un rein. Tout le temps les mêmes maudits mots. Hein. Donc tu peux en prendre un d'un animal, d'un autre animal, de ruelle. La seule stipulation, c'est que tu vas adopter l'animal donneur après pour que deux vies soient sauvées au lieu d'une perdue par un problème de rein, une maladie de rein. Et l'autre à cause de l'euthanasie parce que c'est un chien de ruelle. Puis on s'entend que, je m'excuse, mais le petit chien qu'on voit sur l'image, là, il est vraiment beau. Il est vraiment cute. Moi, je pense qu'on devrait se faire un gros carton hein, sur le mur du studio à kidney égale rein. Ça m'aiderait bien gros. Ça m'aiderait énormément. Il y a environ 0,2 mg d'or dans ton corps. Surtout dans ton sang, Steph. 0,2 mg. Si t'as bu du Goldschlager, tu peux augmenter la quantité. Exactement. Donc, le corps humain qui est composé de différents éléments, plus de 96% de notre corps est une combinaison d'oxygène, d'hydrogène, nitrogène et carbone, c'est bien ça? Donc, même si c'est pas l'ingrédient principal, l'or peut être trouvé un petit peu partout dans nos cellules. En moyenne, 70 kg. Un humain de 70 kg va contenir environ 0,229 mg d'or. Même si c'était possible d'extraire tout l'or de ton intérieur sans te blesser en le faisant, le retour financier ne vaudrait sûrement pas la peine. Donc, ça vaut pas la peine d'aller donner son corps à Cash for Gold? C'est ça, exactement. Ça vaut pas la peine. De donner son corps à Cash for Gold. Les Smarties, à l'origine, n'avaient pas le droit d'être blancs parce qu'on a peur que les enfants associeraient ça à des médicaments. Donc, les Smarties, des médicaments, confusion. C'est tellement bon, les médicaments. On s'entend que sont pas tous blancs non plus. Il y en a des rouges puis des... Il y en a des blancs. Moi, on dirait que j'ai pas le souvenir qu'il y en avait des blancs, mais ouais, sûrement. Non, pas des Smarties. Okay. Des pilules. Des pilules, des médicaments, il y en a de toutes les couleurs. OK, ben oui, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Je veux dire, t'as juste pas fait des petites patentes rondes, là. Ouais. De toute façon, c'est même pas bon, les Smarties. Et même forever! C'est ça. là, c'est exactement ça. Et évidemment, sur la page où le fait est noté, il y a la photo de Smarties comme on les connaît au Canada. Uh-huh. Mais quelqu'un a l'air de riposter le fait que probablement qu'on parle plus de Smarties, les roquettes. Hein? Parce qu'aux États-Unis, les Smarties, c'est ce qu'on appelle ici des roquettes. Donc, tu sais, aller savoir lequel est lequel, c'est quand même dans les commentaires de l'article. Bon, on s'entend que déjà, les roquettes, ça ressemble plus à des médicaments que des Smarties. Ben, moi, je pense que ça aurait plus de sens de dire ça. Donc, c'est ça. Aux États-Unis, les Smarties s'appellent des roquettes. Non, le contraire. Les roquettes d'ici sont les Smarties là-bas. Ils ont juste pas de Smarties là-bas. C'est ça qui est triste. Pardon? Moi, j'ai jamais entendu parler de Smarties aux États-Unis. Mais prenez pas ça pour un fait. Oui. Ensuite, au départ, les bars à New York, ce qu'on appelait les dive bars, n'avaient pas de verre, seulement des barils d'alcool collectaient des tubes de caoutchouc. Donc, pour 3 cents, tu avais le droit de boire dans le tube, dans le tuyau, jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. C'est pas très hygiénique. Ce serait sûrement une bouchée, pas une gorgée pour moi. Ouais, non, c'est pas très... Pas sûr. Le wasabi, à l'origine, était mangé avec les sushis pour tuer les bactéries et les parasites dans les poissons. Maintenant, les conditions sont bien sûr améliorées. On n'a plus besoin de wasabi, mais on les mange encore avec du wasabi. Parce que c'est bon. Pour la tradition, voilà. Connais-tu l'animal qu'on appelle le Olenguito? Olenguito, pardon? Olenguito? Non. Non, c'était... c'est le premier nouveau mammifère carnivore découvert dans les Amériques depuis les 35 dernières années. C'est dans la même famille que le raton laveur. Ça fait un petit peu peur par moment, ça dépend de la photo, ça dépend de son angle. Mais il a l'air d'une espèce de grand... on dirait un rongeur, je dirais, mélangé avec un raton laveur. Un petit raton laveur, mettons. C'est un raton laveur. Drôle d'un. Je sais pas, avec mais. Des yeux globuleux. En fait, on dirait un mini ourson. Ah, aussi, ou ouais, un petit ourson. Mais vraiment je mini. Je sais pas s'il transporte des munitions pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis il déteste les nazis. On sait pas, ça le dit pas. À l'époque, en Égypte, les livres qui étaient trouvés, qui arrivaient en bateau, était amené directement à la bibliothèque d'Alexandria pour se faire copier. L'original était gardé à la bibliothèque et la copie était redonnée à son propriétaire. Petit. Ben, hein? Les petits points blancs que tu vois quand tu regardes un ciel bleu. Hein? Sont en fait... Des nuages. Déjà... Non, c'est ça, c'est des nuages. Il y en a plusieurs sortes. donc, non, c'est tes cellules. blanches qui vont s'avancer à l'avant de ta rétine. C'est ce qu'on appelle le phénomène Blue Field and Toptic. Ah, mais c'est la même chose quand tu fermes les yeux aussi. Ouais, mais quand tu regardes le ciel bleu, ils sont comme, c'est comme tout blanc, c'est comme des petits verres blancs. Ouais, mais quand tu fermes les yeux, tu vois aussi plein de fruits. Pas là. Il faut que ça soit noir, noir, noir. Ok, non, non. Comme si tu regardais l'intérieur de ta paupière. Oh. Donc, Blue Field and Toptic Phenomenon, ou ce qu'on appelle le phénomène de Schirer, nommé en l'honneur de l'ophtalmologiste allemand Richard Schirer, qui a amené, qui en a parlé pour la première fois en 1924. Donc, c'est l'apparition de petits points blancs qu'on appelle en anglais des Blue Sky Sprites, qui vont bouger comme juste des petits verres. Et donc, les points ne durent pas très, très longtemps, visibles pendant une seconde ou moins, faisant un chemin un petit peu au hasard. Donc, c'est des cellules. T'as un cœur. Blanche. Ouais. Ensuite, il y a des bananes roses. Mais. Ouais, des bananes roses qui vont se peler tout seules lorsqu'elles vont être à point mûres. Elles vont, on va souvent les faire pousser comme décoration, mais ça a une peau sucrée et douce qui peut être mangée. Les graines sont quand même assez solides. Ça pourrait même te casser un bout de dent. Oh, okay. Bah, chipper une dent en mangeant ça. Mais quand même. Donc, ça s'appelle la Musa velutina, aussi connue sous le nom de Pink Velvet Banana. Donc, banane velours rose. C'est donc bien intéressant. Puis c'est beau en plus. Un chat a hérité de 13 millions de dollars d'une femme de 94 ans qui prenait soin de lui. Donc, ça a fait de lui, ce chat-là, le chat le plus riche au monde. Maudite folle. Maudite folle. C'est le troisième animal le plus riche sur la planète. Il est précédé par Kalou, le chimpanzé, qui a reçu 80 millions de dollars lorsque son propriétaire est mort. Et Gunther IV, qui a hérité de 372 millions de la part de son papa. De son père. Ouais, mais quand l'animal meurt, on se passe pas avec l'argent. Ouais, bonne question. Puis si le chat l'a pas dépensé, ça va genre au gouvernement, à l'État, puis tu te rends compte que finalement c'est une décision de mort. Exact, parce que qu'est-ce qu'il va faire le chat? Acheter de l'herbe à chat? On sait pas, là. On sait pas. Ça prend quelqu'un pour gérer l'argent de toute façon. Ben, c'est ça. Ah, ça a aucun sens, mais que voulez-vous, c'est la vie. Voilà pour le premier bloc de C'est un fait. Il est sur assemblagerequis.com. On prend une petite pause, on vient avec un deuxième bloc et plus tard David Ferron et sa chronique Les notes salées à Assemblage Requis jusqu'à 9h30 sur C'est fou. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis ce lundi matin, il est 8h02, Stéphanie Paradis là. Mathieu Plante! On revient avec plus de C'est un fait encore dans quelques instants, mais avant ça, on écoute une pièce de Summerland, Encore loin de toi. Allez, rapprochons-nous tous ensemble pour se réchauffer. Je crois que ça serait... Ouais. Des faits comme ça. Dans la prochaine chronique, c'est un fait. C'est vrai. J'étais fait chaud. Wow, wow. Encore loin de toi. Par Summerland, l'assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de retourner à C'est un fait. Ça me tente pas de chanter une deuxième fois. Fait qu'on va juste remettre le fond. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, toujours dans C'est un fait, lorsqu'un aigle meurt, aux États-Unis, ouais. Ok, on a tous compris, on l'envoie au US Eagle Repository, au Colorado, où ils sont évalués et distribués aux Américains, ou en fait aux Amérindiens, pour des cérémonies religieuses. Weird. C'est le seul endroit où on peut amener légalement les aigles qui sont évalués et distribués pour ces cérémonies religieuses. Une personne de la tribu va appliquer pour un des 2400 aigles qui entrent dans ce repository à chaque année, ou encore pour leurs plumes, leurs têtes, etc. Donc ça coûte rien à la tribu. Tout ça, c'est juste pour leur remettre la monnaie de leur pièce aux Amérindiens. Et je viens juste de comprendre pourquoi t'as repris le mot aigle. Ouais. Parce que moi, je l'avais lu, fait que c'était évident. C'était évident. Mais effectivement, un aigle meurt. Parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin un petit peu de se faire remettre l'argent de leur pièce. C'est un autre mot qui sonne pareil comme aigle. L'aigle. Ensuite, les hamacs peuvent améliorer la qualité du sommeil et faire que certaines personnes s'endorment plus rapidement. Étant donné que la position est en diagonale, ça peut aussi fournir plus de soutien et de confort. Donc, il y a plein de bonnes raisons. En fait, diagonale? Parce que t'es pas couché à plat. T'es couché un petit peu comme les pieds plus bas que la tête. Tout ça, t'es comme un peu en genre de diagonale, okay. Si on veut. On suggère les chercheurs suggèrent qu'un hamac permet aux gens de s'endormir plus rapidement et de dormir plus profondément comparé à un lit traditionnel, un matelas normal. C'est ça, t'as peu. C'est un peu comme les bébés qui vont faire un mouvement de va-et-vient dans leur bassinette. C'est un peu la même chose. Donc, se bercer un peu, ça va encourager le sommeil. Ça berce pas une bassinette? Pas la bassinette, l'affaire qui berce. Une balançoire. Non, une bassinette berçante, il y a ça, ça existe. Mais... Un berceau, c'est ça. C'est ça, une bassinette, c'est un anglicisme, ça se dit même pas. C'est quoi? Écoutez, Jean de la Mauricie, bassinette, c'est un anglicisme. C'est quoi en français? Le vrai mot, c'est une couchette. Oh boy, une couchette. Ben là, oh boy, c'est le vrai mot, qu'est-ce que je te dis? Non, je comprends, les vrais mots sont souvent très très laids, mais couchette, ça fait genre, je vais t'amener à la couchette, ça fait comme un français. Ben je sais pas, moi j'ai été élevé avec le bon mot, pour moi c'est normal. Ben voilà. Je le trouve pas bizarre. En Gaspésie, c'est un beau mot, une couchette. C'est ça. Les gens s'endorment plus rapidement et puis mouvement de va-et-vient change leur façon de dormir. Voici. Mais c'est bizarre parce que si t'es en diagonale, ça veut dire que t'as comme les pieds plus bas. Un peu, ouais. Alors que pourtant, quand on se couche, on conseille de surélever les pieds pour la circulation sanguine. Mm. Fait que je trouve ça bizarre. Ouais, je sais pas si je dormirais tout le temps dans un hamac. Je pensais pas que je serais capable. T'sais. Non, déjà que je suis pas capable d'embarquer là-dedans. C'est, oui, aussi, exactement. Les vaches, apparemment, aiment ça résoudre des problèmes et vont sauter dans les airs de façon excitée car ils vont enfin résoudre un problème. Ça arrive, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Ils sont tellement contents d'avoir trouvé la solution à leur problème. C'est n'importe quoi. Je sais pas quel problème peuvent avoir les vaches. Non, je sais que ça saute, mais de là à dire que ça va résoudre un problème, je comprends vraiment pas. Selon les chercheurs. Ben oui. Le cube Rubik a été inventé parce que Ernaud Rubik voulait construire une structure avec des morceaux qui allaient bouger indépendamment sans se défaire en morceaux. Il n'y avait aucune idée, évidemment, à ce moment-là, qu'il allait créer le jouet le plus... En fait, un des jouets les plus vendus de tous les temps. En fait, c'est dans l'article, le jouet le plus vendu de tous les temps. Donc, peut-être qu'il y a une liste de ça. Ça lui a pris un mois pour apprendre à le remettre dans l'ordre, si je comprends bien. Et ils en font pour avancer maintenant. Hein? Avec plein de cases, celle-là. Avec plein de cases, mais il y en a aussi avec les coins arrondis. Donc, t'as pas le choix d'en mettre certains à certaines places. En tout cas. Je commence par les coins. C'est comme bizarre. Et ben. Don Carcos, qui était un vétéran de l'armée, qui a perdu sa vision dans son œil droit à cause d'un petit bout de... shrapnel, c'est comme un bout de balle ou un objet qui est entré dans son œil, un objet coupant. Si on... Donc, c'est une grenade à la Deuxième Guerre mondiale. 64 ans plus tard, il s'est fait botter sur la tête par un cheval, exactement à l'endroit où le bout de grenade avait été. Donc, ça a fait qu'il a retrouvé sa vue. Retrouvé sa vue 64 ans plus tard. C'est spécial. Quasiment trop tard. Non, il reste plein de temps, là. Plein de temps. Ben, ça dépend. 64 ans plus tard, il y avait quel âge à la guerre? C'est sûrement, j'imagine, dans le coin du début de la vingtaine. Fait que mettons qu'il avait 20 ans, 84 ans, ben il peut rester encore 20 ans s'il veut. Ben, en tout cas, profite au moins du temps qui te reste, hein. Tu sais, regarde ton cheval. Il est déjà over l'espérance de vie. Vraiment. Et le cheval, lui, on sait pas quel âge il a, mais regarde comment il a l'air d'être ça reconnaissant. Ça change rien. Il a l'air d'être reconnaissant. Tu trouves? Le cheval qui est reconnaissant? Oui, c'est ça. Funja Singh. Funja Singh, qui a commencé à courir quand il avait 89 ans, pour essayer de se débarrasser d'une dépression quand son fils a été tué devant lui. M'a tué, 84 ans, il est pas trop tard, là. Tu vois, tu peux courir un marathon encore. Donc, son fils a été tué devant lui quand il avait 89 ans. Il a commencé à courir. Juste avant l'âge de 102 ans, il a couru le marathon de Hong Kong en 1h32.28. C'était le plus vieux coureur de marathon. Ben voyons donc. Oublie ça, moi je te fais un marathon en genre quoi, 5h30? Oui, 5h? 3-4 jours, là. Quelque chose de genre. Shakuntala Devi. Hein? Shakuntala Devi, c'est une calculatrice mentale, une femme calculatrice mentale d'Inde, pas d'Inde, qui vient de du l'Inde. Pays de l'Inde. De l'Inde, voilà. On lui a demandé de donner la 23e racine d'un chiffre de 201, de nombre, de 201 chiffres de... Ah, j'ai tout de la misère avec le chiffre, qu'est-ce qui est un chiffre, qu'est-ce qui est un nombre. Mais 201, bref, elle a répondu en 50 secondes, la 23e racine, donc d'un chiffre de 200, en tout cas, de 200. Ah, c'est donc trop compliqué. Donc sa réponse a été confirmée par des calculs du US Bureau of Standards, pour lequel un programme spécial a dû être développé pour performer un calcul aussi énorme. Donc la 23e puissance, c'est une femme qui s'est calculée mentalement comme une génie. Shakuntala Devi. Un chiffre, là, c'est ce qui compose un nombre. Ah, c'est ça, mais ça, j'en retiendrai jamais. Ouais, mais tu devrais leur tenir nombre, nombreux, plusieurs chiffres. Oh, attends un peu. Continue. Ah, ouais, ah, c'est bon, ça. Nombre, sont nombreux. Non, sont nombreux. Donc, il y en a plus qu'un, donc c'est comme plusieurs chiffres. Puis des chiffres, ben, t'en as rarement plus que 3-4 dans une journée. Des chiffres de travail, mettons, ça fait des chiffres. Non, là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin dans les appareils mnémoniques. Ou tu vas pas assez loin. Oh. Ouh, hein? Ça, c'était profond. Hans Zimmer, compositeur et producteur de plus de 150 films, dont Le Roi Lion, Gladiateur, tous les films des Pirates des Caraïbes, Pearl Harbor, Heure Limite, Inception, Dark Knight, là, Chevalier, truc. A eu seulement deux semaines. Heure Limite. Ouais, Rush... Mais non, c'est Rush Hour, ah, le film. T'as raison, c'est Rush Hour. T'as bien raison. Ah, Rush. C'est pas ça, il a seulement eu deux semaines d'éducation musicale, des leçons de piano quand il était jeune enfant. Il y a eu seulement deux semaines de ça. Mais voyons. Il a quand même composé des trames sonores de films. Que t'as ça dans le sang, hein? Dont Rush. Qu'on sait pas c'est quoi. C'est sûrement qu'il est la biographie du groupe canadien Rush. Je te dirais plus que c'est le Roi Lion qui a marqué en musique. Ouais, je pense que oui. Je te pense pas. Rush, avec l'animateur de talk show Rush Limbaugh. Non, c'est pas ça. Mais c'est, Rush, c'est quoi, c'est film, l'histoire d'une petite roche qui court partout. Dans c'est qui ça? Qui est l'histoire de Maya l'abeille et ses amis dans la ruche. Chris Hemsworth. Ok. Puis dans le rôle d'une abeille. Puis les autres, j'y connais pas. Pour vrai, c'est un film que je ne connais pas. Ah, oh, c'est un film de Formule 1. Dans un monde. Oui, les dans Formule les années 1. 70, pour ça qu'on s'est posé quoi. Bon, bref, Hans Zimmer. L'impression 3D peut être utilisée pour imprimer des sonogrammes, donc des bébés en développement de grandeur nature. Ces impressions 3D sont utilisées pour voir les parents aveugles, pour aider les parents aveugles à voir leur bébé futur. Oh, c'est donc bien cute, ça! Mais avoue que c'était pas, j'imagine que ça doit être parce que les coûts sont élevés, mais si tout le monde pouvait avoir un petit sonogramme 3D... Tu y rentres un petit bâton et de la colle, tu mets ça, un petit statut, ça fait comme un amiibo de Nintendo. Là. Puis là, tu peux le faire, donner un power-up dans Super Smash Brothers. Puis ton bébé dans Smash Brothers, puis il se bat contre Pokémon, Pikachu, puis oui, pow! C'est un peu bizarre, non? Contre Chris Hemsworth dans Rush. Un journaliste nommé Vlado Tedeschi, qui avait écrit des reportages sur un tueur en série, a finalement été attrapé parce que c'était lui-même le tueur en série. Un journaliste... Vlado Tedeschi écrivait des reportages sur un tueur en série, était lui-même le tueur en série. Ok, c'est un peu comme Spider-Man. Hein? Ouais. Peter Parker qui se prend en photo. Putain, oui, exactement. Exactement. Je sais pas comment il fait, soit tu t'en passais. Ah, il connaissait Parker, c'est ça. Donc, il était attrapé après avoir décrit des détails sur des meurtres, des détails qui n'avaient pas encore été révélés au public. Donc, c'était Vlado Tedeschi. Bravo. Eh ben. Ensuite, les gens qui sont mauvais en mathématiques ne sont pas nécessairement mauvais en mathématiques. C'est drôle à dire, mais c'est parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'anxiété mathématique, math anxiety, qui fait que les gens ont peur des mathématiques, et donc des fois ça va mener à éviter peut-être les maths, ce qui va évidemment faire que tu auras moins de connaissances, et par conséquent, tu vas avoir encore plus d'anxiété de mathématiques. C'est vrai que c'est désagréable les mathématiques. Tellement, là. Mark H. Ashcraft, définit l'anxiété ou l'angoisse mathématique comme une impression de tension, d'appréhension ou de peur qui va interférer ou va faire d'interférence par rapport à ta performance avec les mathématiques. Ouais. Pardonnez-moi. L'auteur George Burns a écrit un livre nommé How to Live to be 100, comment vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. À l'âge de 87 ans, c'est là qu'il a écrit. Il est né en 1896, il est né en 1996. Quel âge avait-il à sa mort? Exactement 100 ans. T'as dit il est né en 1896. Il est né en 1896. Puis il est né en 1896. Il est né en 1896. Ouais. Une fois du vite, ça a l'air. Donc, il y avait exactement 100 ans quand il est mort. Oui. Ça vient d'une entrevue avec George Burns. T'as peu. Il est peut-être pas mort passé sa date de fête. Oh boy, ça peut, il y a peut-être 90 ans. Moi, je veux le savoir. Je m'en vais le googler tout de suite. Cherche-le sur Wikipédia, ça te dit les dates. George Burns. George Burns, il était dans Rush avec Chris Hemsworth. Quoi? Non. L'intervieweur. OK, il y avait ça. L'intervieweur. Ah! Vas-y. Il l'a dépassé. Ah bon? Ben, il s'est donné une chance, il est né le 20 janvier. Tu sais. Fait que les chances qu'il meure plus tard étaient quand même élevées. Il y avait 20 jours de jeu. Donc, extrait d'une entrevue avec George Burns. Hein? George Brûlure. Intervieweur demande: est-ce que c'est vrai que tu bois les Bertini à tous les jours? Monsieur Brûlure dit oui. L'intervieweur demande: est-ce que c'est vrai que tu fumes entre 10 cigares et 6 cigares par jour? Qu'est-ce que votre docteur dit à ce sujet-là? Monsieur Brûlure dit: mon docteur est mort. Il aurait dû vendre son lit. Une joke, une bière. Ça. On dirait une joke, une bière. Un homme s'est fait envoyer une lettre. Voilà. On lui a envoyé une lettre à cet homme, Chris Hemsworth. Il y a quelqu'un. Il a posté une lettre. En l'honneur de cet homme. C'est ça. En l'hommage à lui. Lui offrant une carte de crédit. Mais il aimait pas les, t'sais, le texte qui vient avec, les règlements. Ouais. Donc, il a changé le contrat pour inclure une limite de crédit illimitée et 0% d'intérêt. La banque a automatiquement accepté. Mais ensuite, la banque a essayé d'annuler sa carte. Il a poursuivi la banque pour ne pas avoir suivi son contrat. Parce qu'évidemment, le contrat avait été modifié, donc accepté. Et il a gagné. Bravo. Oh, c'était cœur. Son nom est Dimitri Argarkov. Argarkov. Bravo. Argarkov de crédit. Ouais, non, bravo. Lorsque l'artiste Margaret Keane a poursuivi son ex-mari, Walter Keane, pour plagiat, le juge leur a demandé à tous les deux de peindre devant la cour. Walter, le mari, a refusé, disant qu'il avait il avait mal à l'épaule. Oh boy. Mais Margaret, innocent. Plutôt, je dirais coupable. Donc Margaret, elle a réussi à compléter sa peinture en 53 minutes. C'est... Il y a un film en 2014, un film biographique, une dramédie, nommé Big Eyes, réalisé par Tim Burton, mettant en vedette Amy Adams et Christoph Waltz. C'est un film qui parle justement de Margaret Keane. Ah ouais? Ça vous intéresse, ça date de l'année passée. Gros yeux? Les gros yeux. Alors, c'est très très récent, c'était vers la fin de l'année, je me rappelle de la sortie, c'était vraiment très très récent. Ouais. Et l'impression que t'as. Ben, je dis « mais c'est plus « on continue avec ». L'impression que t'as, quand tu dis un mot trop souvent, tellement que tu commences à avoir l'air quasiment bizarre et de plus vouloir rien dire. Oui. Ça s'appelle la « semantic satiation ». Donc, t'arrives à satiété sémantique, si on veut. La saturation sémantique, si on veut. Donc, c'est un phénomène psychologique où la répétition fait qu'un mot ou une phrase va temporairement perdre toute définition pour la personne qui l'entend. Ça va juste être n'importe quoi. Donc, ça a été créé, ce terme-là... par Leon Jacobovitz James. Voilà. Intéressant. C'est un peu comme dans How I Met Your Mother, quand Ted s'assoit, il répète le mot ball. Oui. À peu près ball. 45 fois d'affilée. Ball. Mais c'est très drôle parce que ça se passe en arrière-plan d'autres choses. Oui, oui. C'est juste parfait. C'est vraiment En fait, on reproduit souvent cette scène à la maison. Oui, cool. Oui. Ça me rappelle aussi le sketch des Avengers que tu trouverais sûrement pas drôle sur le poulain. Probablement pas. Il y a un art japonais. De réparation de la poterie brisée, Steph. OK. Avec de l'or. Tu sais que ton corps est composé de 0,09% d'or. Donc, ça s'appelle Kintsugi ou encore Kintsukuroi. Hey! Est-ce que ça dit quelque chose? Mais oui, c'est le titre d'une toune. À ta peu, c'est de tété. À ta tata. Les tétines. À ta tata. Les tétines. Je le sais, c'est moi, là. Je l'ai fait un... Hey! Rosetta. J'ai fait un... Voyons. Voyons, c'est moi qui cherche le mot. Poste d'écoute, oui. Hey, j'avais juste été fou dans la tête. Non! Un poste d'écoute! Trop de chroniques, c'était ça! Trop de chroniques! Oh, j'ai atteint une saturation sémantique! La satiété! Radio-Canada! La satiété Radio-Canada! Tu sais, là, quand t'en as trop regardé, là, t'as trop regardé 19-2, c'est la satiété Radio-Canada! Tu t'arrêtes de t'éclencher pour suivre la saison? Ouais, ça s'en vient. Est-ce que tu veux noter ça? J'ai pas le temps. Société Radio-Canada, je trouve ça drôle. S'il te plaît. Donc, il y a un art japonais, s'il te plaît, pour vrai. Tu veux que je note ça où? J'ai pas de crayon. Dans ta feuille de toon. Il y a un art japonais de réparation des poteries brisées avec de l'or qui s'appelle Kintsugi ou Kintsukuroi. Ce style-là embrasse les imperfections de ces artefacts et les souligne. Donc, ça souligne l'imperfection tout en les améliorant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a un blog, et d'ailleurs, composé de ces bols sur assemblagerequis.com. Puis la petite photo. C'est tout mignon. Il y a un parc pour animaux, un zoo en Nouvelle-Zélande, Steph, où les humains sont ceux qui sont derrière les barreaux. Oh oui, j'avais compris. Donc, les touristes sont embarrés dans des cages pour pouvoir être approchés par les lions affamés. Ouais. Ouais. Non. Ben, je sais pas. Ben, moi non. T'aimerais-tu ça, toi? Non. Mais, tu sais, moi, j'arrive de chez nous à pied puis je pisse partout, comme on l'a dit au début de l'émission. Je sais pas si au moins c'était pour aller chercher une clé pour aller chercher des boyeurs après. Puis c'était avec Guy Mongrain qui criait après. Hein? L'œuf, la poule! Non, ça, c'était son autre émission. Ça aurait été drôle s'il avait fait une fusion de la poule aux odeurs puis faire boyard, ça. Je sais pas, mais il y a un savoureux passage dans HeroCorp. Bon. Qui fait allusion à Fort Boyard. La série télé française. C'est ça. Sœur de Kaamelott. Sœur? Non, série pas sœur. C'est pas une série sœur. C'est le même créateur dans une série sœur. Mais c'est pas le même créateur. Ah, c'est le même scripteur, le même auteur. Non, même c'est acteurs, son frère. Les frères. C'est pas une série sœur, ben, ça n'a aucun lien. C'est son frère, lien. Alors c'est une série frère. Ça n'a aucun lien, c'est arrête. Son frère. Ensuite, typiquement, on va pas trouver que la nourriture est trop sucrée avant que nos os arrêtent de pousser, Steph. La plupart des jeunes enfants n'ont pas de limite au sucre qu'ils peuvent trouver délicieux, alors que nous, les adultes, on va avoir une certaine limite et les recherches nous apprennent... C'est ça mon problème, c'est parce que mes os n'ont pas fini de pousser. Un jour, tu vas faire 6 pieds 4. Cool. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. lorsque Android a été révélé en 2007, Nokia a dit, et je cite, « Nous ne voyons pas Android comme une menace. » Excusez. Et un membre de l'équipe de Windows Mobile chez Microsoft a dit, et je cite, « Je ne comprends pas l'impact qu'ils vont avoir. » En effet, bravo. Tu comprends pas vraiment l'impact des choses. Parce que t'es comme en dernière place pas mal, Microsoft. Avec les téléphones cellulaires, pas Windows. C'est gênant. C'est un peu gênant. Un chirurgien britannique militaire célébré, donc à succès, disons, une personne reconnue dans son domaine, James Barry. Hein? On a appris après sa mort que c'était une femme, finalement. Ben, à la base, à sa naissance, on s'entend. Ah. Donc, James Miranda Stuart Barry était un chirurgien militaire dans l'armée britannique. Après avoir gradué de l'université de Edinburgh, l'école médicale, University of Edinburgh Medical School, Barry a servi dans l'armée en Inde et à Cape Town, en Afrique du Sud. À la fin de sa carrière, il était rendu au rang d'inspecteur général en charge des hôpitaux militaires. Même si Barry a vécu toute sa vie adulte en homme, il est né avec un appareil reproducteur féminin nommé Margaret Anne Bulkley. Pas le nom de son entre-gens, mais la personne en tant que telle, ça plaît. Merci de préciser. Merci, ça fait plaisir. Donc, il a amélioré évidemment la condition de plusieurs soldats blessés, mais aussi de personnes en captivité. Donc, il a amélioré la vie de ses habitants qui étaient nés sur place. Donc. Et pourtant, s'il avait su que c'était une femme, il n'aurait jamais permis de sauver ces personnes-là. Exactement vrai, ça. D'ailleurs, parmi les choses qu'il a accomplies dans sa carrière, la première césarienne en Afrique par un chirurgien britannique. Dans quel cas la femme et l'enfant ont tous les deux survécu à l'opération. Donc je crois que c'est la première fois que ça arrivait, ça, plus spécifiquement que juste une césarienne. Bravo, donc James Miranda Stuart Barry. La plus grande chaîne de pharmacie, donc de médicaments, de vente de médicaments aux États-Unis, Walgreens, va engager, engage régulièrement des personnes avec des déficiences intellectuelles pour travailler dans leurs entrepôts. Les entrepôts qui sont créés exprès pour être capables, dans le fond, de parcourir la place de façon sécuritaire avec confiance en soi pour les personnes à déficience intellectuelle. Donc, je sais pas si ça veut dire des rangées plus larges, moins hautes, un paquet d'affaires. Donc, ils ont accommodé ça pour eux. Donc, lors du design de la place, ils croyaient pouvoir engager un grand nombre de personnes avec des handicaps ou des déficiences intellectuelles, leur demandant donc la même performance que les autres membres de l'équipe. Donc, on est une entreprise et non une charité. Nos employés ont des handicaps, mais ont quand même la même paye et les mêmes avantages sociaux que les autres employés. Et sont donc, on s'attend à ce qu'ils fassent le même travail. Wow, mais c'est bien. On les traite comme tout le monde, comme ils veulent être traités. mais ils se sont arrangés pour qu'ils puissent travailler de la même façon. C'est aussi. Ça, c'est l'environnement qu'il faut accommoder, comme nous dirait Marie-Laurence Audet dans sa chronique Le Loser bien plus qu'un jeu tous les jeudis matin. Il faut accommoder, il faut organiser tout autour pour qu'ils puissent travailler. C'est pas à eux de s'acclimater à l'environnement qui a été créé pour des personnes qui n'ont pas d'ordre. Bon. Ensuite, un chien guide nommé Opal ne fait pas que mener son propriétaire ou son père ou peu importe comment vous voulez appeler sa personne, son humain, comme on l'appelle. Ouais. Non seulement il s'occupe de son humain, mais en plus, c'est devenu le chien guide de l'ancien chien guide de la famille, Edward, qui s'est occupé de son humain pendant 6 ans. Mais ensuite, on a dû lui enlever les yeux. Oh. Et si tu vas voir la photo sur assemblagehockey.com, les yeux ne sont plus présents dans le crâne du chien. Donc, c'est que des trous. Donc, le chien... Mais que des trous. Ils ont quand même fermé les trous. Ouais, j'imagine. Mais ben, bref, le chien Opal qui guide le chien Edward et son humain. Oh! Ah, c'est cute! C'est émouvant. Certaines personnes, à cause d'une mutation génétique rare, n'ont besoin de dormir qu'environ 4 heures par nuit. Oh mon Dieu, j'aimerais ça. Hey boy! Ouais, ben c'est ça, c'est ce que je fais régulièrement, mais je pense pas que mes gènes trouvent ça bébé correct. Non, c'est pas parce que t'as juste besoin de ça. C'est pas parce que tu le fais que t'es capable, c'est pas ça par la tête. Là. Bref, on a besoin de dormir que 4 heures par nuit régulièrement. Donc des gens comme Margaret Thatcher et Martha Stewart ont apparemment cette condition-là, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est ce qu'on dit. Ces gens qui dorment très peu de temps ont une mutation d'un gène nommé H minuscule DEC majuscule 2 qui va régulariser leur cycle de sommeil et d'éveil. Cette mutation qui leur permet de fonctionner avec moins de sommeil. Et puis, ils peuvent dormir entre 4 et 6 heures seulement, même des fois moins. Naturellement, ils vont se sentir quand même frais et dispo. Des fois, donc, le short sleeping qu'on appelle, donc dormir peu de temps, ça commence à l'enfance et ça va être de famille. Donc, ça va continuer de membre en membre de famille. C'est une mutation génétique, voilà. Mm-hmm. Mais quand même, on dirait que les nuits où je dors le moins longtemps, moins de 5 heures, genre, sont celles où je me sens le plus en forme, pareil. T'sais. Comme là, je me sens en forme. C'est bizarre. Non, je pourrais pas faire ça à long terme. Non, hein? Pas à long terme, c'est ça. Puis la fin de semaine, je dormirais pas comme des fois 11 heures. Mais c'est ça, fait que ça n'a pas rapport. Non, je sais, mais tu sais, des fois, ça dépend. Ça dépend comment t'as dormi aussi. Alors, en 1982, une personne de 15 ans, un enfant de 15 ans, bref, a vécu dans un. Enfin, un ado. Ouais, un ado. À 15 ans, j'aurais pas aimé ça me faire dire que j'étais un enfant. C'est vrai. Un mineur. Ouais. Un mineur. De 15 ans, vivait dans un shaft d'ascenseur. C'est une cage d'ascenseur, là. Ben, pas une cage, mais ce qu'il y a en dessous de la cage. Bref, la cage, c'est la boîte. Oh ouais. Bon. Donc, ce qu'il y a en dessous de ça, là où il y a les fils, tout ça. Dans le trou. Dans le trou, le shaft, finalement. Pendant plusieurs mois, il a rebranché les fils de l'ascenseur pour qu'il fonctionne comme il voulait. Je sais pas si ça veut dire empêcher que l'ascenseur descende jusque sa tête, là. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bref. Il s'est fait prendre lorsque les résidents de l'édifice, de la bâtisse, ont commencé à sentir l'odeur des hot dogs qui se faisaient cuire en dessous de l'ascenseur. Sa maison secrète avait des lumières, un lit, un four au propane, un extincteur pour le feu, bien sûr, un lecteur cassette et une radio Citizens. C'est spécial. Pas pire, hein? Faut pas être claustrophobe, hein? Non. Ben, tu sais, c'est un mineur. Il est habitué de vivre dans des endroits fermés. Là. Ça, c'est les mineurs. Les minerais. Les minerais. Les minerais. À Telford Mines. Celui-là, encore une fois, me rend perplexe, mais toujours les sources sur assemblagerequis.com, celle-ci selon luck.gov, donc un site gouvernemental, qui nous dit que le Coca-Cola, à l'origine, était sucré avec du vin. On a échangé ensuite le vin pour du sucre. On appelait ça le Pemberton's French Wine Coca. C'est la loi de la prohibition de 1886 à Atlanta qui a fait que son inventeur, Dr. John S. Pemberton, qui a dû réécrire la formule. Fait qu'en plus de la coke, il y avait du vin là-dedans. T'imagines le bonheur? Il rajoute du Kraft Dinner là-dedans. C'est pour ça qu'ils sont riches. C'est pour ça qu'ils sont riches. le président Garfield, l'assassin du président Garfield, président américain. OK, James, pas le chat. Non, James, pense, Garfield. Son assassin a choisi un fusil avec une... ben, je connais pas les parties d'un fusil, là, mais la poignée, là, ce que tu tiens, une empoigne... Hein? Le bout que tu poignes du fusil, là, que tu tiens avec ta main. Il a choisi un fusil donc avec ça en ivoire, au lieu d'un modèle similaire qui était fait en bois, parce qu'il savait, le gars, et là, c'est pour montrer comment les gens peuvent être fous des fois, parce qu'il avait prévu de tuer le président Garfield, et il trouvait que ça serait plus beau dans un musée si son fusil était fait en ivoire à la place d'être fait en bois. OK. C'est un peu weird, hein? Ouais. Ouais, ça serait plus beau dans un musée. Bravo. Franchement. Monsieur. Bravo. Un scientifique en Antarctique a réussi à se trouver une date via Tinder avec une fille qui faisait du camping à 45 minutes de distance en Antarctique. C'est drôle! C'est encore une date! C'est Tinder! C'est... Une poignée du réseau? Poignée du réseau, apparemment, et c'était ça. Fascinant. Fascinant. Tinder! Ensuite, un café grande chez Starbucks. Tu connais leur grandeur de prétentieux, le venti grande. Donc, un grande, ça a 320 mg de caféine, ce qui est plus de 4 fois la caféine d'un Red Bull. OK? Qu'un Red Bull, 4 fois plus. Et le Starbucks Cinnamon Chip Scone, ça, c'est une pâtisserie qui a plus de calories qu'un quart de livre chez McDonald's, avec 480 calories. Ouf. J'en veux là, avant que ça ferme là, j'en veux c'est là. C'est fermé, je suis désolée, c'est déjà fermé. Comment? Le Starbucks ou? Le Starbucks est déjà fermé dans Target. Non. Arrête, c'est la seule affaire qui marchait dans Target, puis ils l'ont fermé en premier, je peux comprendre. Non, ça marchait pas vraiment. Ben c'est là qu'il y avait du monde, je trouvais, chez Target. Il y avait jamais personne. À chaque fois que j'étais allée, Starbucks était toujours vide. Oui, il y avait toujours des fils, c'est bizarre, ça doit être le timing, on allait pas aux mêmes heures, mais c'est vraiment triste ça. En tout cas. Pas du tout. Tu viens de défaire ma journée, ben c'est triste pour moi. Vraiment pas. C'est ça. L'Islande a une si petite population qu'une compagnie d'Islande a sorti ce qu'on appelle une application anti-inceste qui va empêcher les Islandais de sortir par accident avec quelqu'un de leur famille. Et c'est tout à fait vrai. C'est trop petit, il y a trop de monde qui sont dans la même famille, donc j'ai déjà entendu ça. Ouais. Je me demande si c'est pas toi. Ça se peut que ce soit moi, mais non, je pense que c'est au dîner de con, je pense que t'as entendu parler de ça, parce que je pense pas que ce soit ici. En tout cas, bref, c'est selon TheGuardian.com. Mais c'est rendu grave, là. Oui, ben, c'est ça, puis vraiment seulé, là, parce que tu veux pas avoir un enfant. Mais jusqu'à où c'est considéré comme de l'inceste? Ouais, à quel degré de cousin-initude, mettons? Ben, cousin, on s'entend, il y en a des cousins-cousines qui se marient même ici. Là. Oui, c'est tout à fait. Donc, ça rend pas ça plus, mais bon. Mais au moins, tu peux prendre ta décision en toute connaissance de cause. C'est ça, tu sais. Parce que des fois, ils savent pas. Non. Des fois, tu sais, tu vas te faire juger, puis tu sais, tu te dis, ben, il y a un temps d'amour. Tu peux pas contrôler l'amour et le destin. Tu sais, qu'ils disent. Bon. Voilà, c'est tout pour cet fait. Vous pouvez vous faire vos propres opinions là-dessus, pas besoin de suivre les nôtres. Nous, c'est les faits qu'on fait, tu sais. Ah oui. C'est pas de l'opinion. Mais non. Pas du tout. Ben, tu peux. Bon, un petit peu. Les liens sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le moment de passer à une autre petite pause. Quelques messages très, très importants, comme toujours. Au retour, c'est David Ferron. Et ça colle avec les notes salées. Yeah. Quelques petits messages, mystères. Ses épaules. Fou d'artiste émergent. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 26 janvier 2015. C'est Stéphanie Paradis. Louis-Gé Mathieu Blanc. Une graine dans l'air. Ben là, une graine dans l'air. T'as juste à la remettre dans tes culottes. David Ferron qui vient d'arriver. Oui, bonjour. Bonjour, David Ferron. Comment ça va? Ça va bien? Enfants, ça va, oui. Toi, ça va, oui? Ben oui, merci. Est-ce que t'es prêt pour les notes salées? Oui, et vous? Hein? Hey, non, attends, je veux dire quelque chose avant. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? T'as donc bien des beaux cheveux, David. Oh, c'est vrai, hein? Merci beaucoup. Merci, j'ai un très bon coiffeur. C'est beau, c'est comme tout wavé. Oui, c'est vrai. C'est un David tout neuf, 2015. Oui, juste pour vous deux. Merci. Ah. Et la caméra 3, qui va vous montrer ce que c'est. C'est les notes salées. Hey, David! Dans ta nouvelle coupe, y'a-tu du sel? Salé, quoi que ça tient? Ça, c'est du sel, un petit peu d'eau. Sel puis de l'eau, ça fait pas de la colle. Ah non, c'est de la farine, je me suis trompé. Look at my nuts. Non, c'est des pellicules. C'est pas vrai. Pellicules. Sel et pellicules, des fois, ça ressemble. Salut, David Ferron. Bonjour, réponse à Stéphanie, regarde mariage, je ne sais quoi. Marie, un jeu ne sais quoi. Oh, ah, ben oui! C'est intéressant! Oui, on veut pas savoir cette affaire-là, David. Ben non, c'est une blague, c'est avec du gras. Tu nous mets des mauvaises images dans la tête, bref. Hein? Réponse! Quand tu parles de réponse, c'est vrai que tu parles de longs cheveux, c'est réponse. Oui, ah! C'est tes longs cheveux. Rapunzel. Rapunzel. En français. C'est ça. Eh oui, je vais tout vous snapper avec mes cheveux. Eh, hein? Donc, David, les notes salées, pour commencer, rappelle-nous le concept derrière tout ça, pour ceux qui suivent pas trop. Hein. Donc, les notes salées, en fait, c'est trois pièces que je vous présente à chaque fois que je fais ma chronique ici. Remarquez qu'il ne dit pas à chaque semaine. Non, parce que la semaine passée, j'étais pas là. La semaine prochaine, attends. Exactement, je serai pas là. Et non, parce que j'anime une émission parallèlement à ma chronique Assemblage requis. Les lundis soirs à 18h. Oui, exactement. C'est vrai que c'est aussi ta chronique un show de plug, donc lundi soir, oui. 18h, palmarès du monde. Mais c'est la dernière fois que je l'ai fait le lundi, la semaine prochaine, ça va être jeudi. Oh! Oui. Les scoops au début même de la chronique. Oui, donc c'est la dernière fois que je fais mon émission palmarès du monde les lundis 18h, donc la semaine prochaine, ça va être jeudi. À 17h. Génial. Donc, trois pièces dans une même thématique. Quelle est ta thématique aujourd'hui? Ben, comme vous savez, ça va super bien dans l'actualité ces temps-ci. C'est super réjouissant l'actualité. Que de bonnes nouvelles, comme toujours. Ben, par exemple, je vous nomme quelques faits juste pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, Stephen Harper qui veut pas lancer d'enquête sur les disparitions des femmes autochtones. Mmh. Et qu'en plus, le maire de Winnipeg reconnaît que des problèmes raciaux dans sa ville, notamment avec les relations avec les autochtones. Il y a aussi Israël et Palestine qui se tapent toujours sur la marboulette. Il y a aussi beaucoup de pays arabes qui vivent des bouleversements, surtout armés, et que c'est le 70e anniversaire de la libération des camps de Auschwitz. Oui. C'est l'affaire de nazis, ça. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est le 70e anniversaire de la libération. Mmh. Donc... On va peut-être parler de ton ours polonais, Mathieu? Peut-être l'ours qui transporte les munitions. De la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un ours. Un ours qui détestait les nazis. Oh, c'est bien. Est-ce que c'était Paddington? L'ours Paddington, il n'y a pas d'imperméable, malheureusement. Ah non. Il n'est pas polonais. C'est un agent secret, Paddington, non? Faudrait le demander. Dans le film, ça doit pas. Dans le film, ça doit être juste un petit ourson cute. Oui. J'imagine. Ah, mais faut faire attention aux oursons cute. Il y en a qui sont psychopathes. La preuve, Chucky, avant, c'était un ours. Ah! Oui. Sinon, regarde David, il est cute, là, mais c'est un peu psychopathe. Oh! Je veux du miel. Ah! Ça, c'était Winnie the Pooh Devil. Winnipeg. Winnipeg the Pooh. Oh! Ouais. L'ours approuve. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Enchaîne. Donc, avant de vous empailler avec mes inepties de sketch et d'imitation, donc, je me suis dit qu'avec toute cette actualité festoyante, je sais pas si on peut dire festoyante, mais en tout cas, c'est pas grave. Le party pogné sur la planète Terre. Oui, exactement. Donc, faut dire que chaque culture, chaque pays fait de la musique. Ça, c'est évident. Peu importe où ce que t'es dans le monde, on fait de la musique. Même en Corée du Nord, tu devrais avoir le droit et il y en a pareil. Ben, c'est sûr, des gens doivent se réunir chez eux clandestinement, doivent avoir de l'alcool, des cibles, ou cheap. Genre. Donc, ça pourrait se faire, on le sait pas. Donc, ainsi, la musique, ça définit ton identité, tes propres couleurs à toi. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait la richesse et qui nous fait oublier toute la bêtise humaine. La musique, ça adoucit les mœurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous présente la collection et je vais laisser Marie Melon le présenter. Poutou Mayo! Ah! Donc, qu'est-ce ça que c'est? Ça prend par surprise, ça. Oui. Un featuring de Marie Melon. Eh oui. Poutou Mayo! La mayonnaise? Non, Poutou Mayo, en fait, ça pourrait évoquer quelque chose d'aussi savoureux. C'est-à-dire que Poutou Mayo, c'est un délice au niveau musical parce que Poutou Mayo sort une collection qui s'appelle Poutou Mayo Presents. Mm-hmm. Donc, Poutou Mayo Presents, c'est qu'il sort des albums et chaque album, ça regroupe un thème bien précis selon une caractéristique musicale, géographique ou culturelle. Par exemple, d'albums thématiques, musique cajun, yoga, Noël en français, musique irlandaise, etc. et etc. Est-ce que t'as vu, je sais pas si t'apprends quelque chose, qu'il y avait une édition Québec? Je crois que oui, mais ah non, je l'apprends. Attends un peu, je vais juste m'assurer de ce que je dis là. Poutou Mayo Québec. Ah, ça se pourrait parce qu'il Québec. Tellement de... La belle province. Hein? Donc, il y avait entre autres Ariane Moffat. Ah ouais. Mathieu, Martin Léon, Debac Caracol, Mathieu, Daniel Lavoie. Mathieu, c'est le frère à Peter. Je pense que oui. Annie Villeneuve. Hein? Ah ouais. Chango Family, Chloé Sainte-Marie, Pierre Lapointe, Mireille Bédard, Paul-Émile Bazar, La Bottine Souriante, Florent Volant, Ostara et une autre pièce d'Ariane Moffat. Ben c'est bien, ça représente tout ce que les gens peuvent écouter, toutes les genres de public, ça qui est bien. Même Annie Villeneuve. Oui. Ben, même si elle n'est pas indispensable dans une discographie, il y en a qui aiment Annie Villeneuve, puis c'est peut-être comme ça que les gens vont s'initier à la musique québécoise. Peut-être qu'en disant « Ah, ben Annie Villeneuve, j'ai aimé sa tonne », ils vont peut-être fouiller davantage dans la musicographie québécoise. Mais ça, je pense générale. Que le but, c'est de montrer vraiment le plus grand ben éventail oui. possible. Exact. Mais est-ce, ben que, oui, est-ce que vous pensez que de mettre Annie Villeneuve, parce que les gens aiment ça, que c'est un petit peu Annie Villeneuve-lé vers le bas? Oh! Mais en fait... Je la trouvais drôle, moi, je la trouvais intelligente, hein. Oui, oui, ouais, ben c'est ça, mais tellement intelligent qu'on peut pas vraiment la rire. Là. Ah, ok, c'est ça, ce serait un manque de respect ça pour. C'était juste trop brillant. Trop touchant, ouais. Ouais, pis il faut y réfléchir avant. C'est pour ça, là, t'en penses quoi de la blague de Mathieu? Ah, là, si on souligne trop longtemps, ça va devenir mauvais, là. Ben ouais, alors. Pas niveler vers le bas, l'émission. Alors. C'est... Pour mieux remonter dans cette chronique, on parlait de Putumayo, des projets de Putumayo, qui est une maison de disques qui sort des albums de toutes sortes, même québécois, tu viens de m'apprendre de quoi, je ne savais pas. Donc, c'est assez particulier, la fondation, ça a été fondée à 93, en fait, la compagnie de disques Putumayo World Music, donc ça fait 22 ans, et en fait, son fondateur Dan Storper est propriétaire d'un magasin de vêtements. Puis lui, il décide à un moment donné de faire jouer de la musique du monde. Et là, il voit que les gens aiment ça. Donc là, peu à peu, il voit que ça fonctionne, il sort des albums. Et là, il y a un heureux problème, c'est que ça pogne tellement qu'il est obligé de vendre son magasin de vêtements. Et finalement, la compagnie de disques devient complètement indépendante et Putumayo World Music a son propre siège. Mm-hmm. Fantastique! Ben oui! Et alors, Putumayo, c'est pas juste des vêtements, c'est pas juste des disques. En fait, c'est pas seulement des disques, mais aussi, Putumayo, c'est des livres, des vêtements et même de la nourriture santé. Donc de la nourriture. Non. Non. Non, non. Non, vraiment pas, non, trop facile, non. Ça. Celle-là, on la rit pas pour d'autres raisons. Putumayo offre beaucoup d'autres services, est-ce qu'il leur faut un pimp au maillot? Parce que vu qu'il y a des Putumayo, il faut des pimp au maillot pour les gérer. C'est pas mon Bruit de hibou. Ah, c'est le nouveau... C'est plus des grillons maintenant. Ouais. Non, c'est. J'ai toujours pensé que c'était des hiboux, moi, quand il y avait un long silence malaisant. C'était à la mode en Asie, je pense. Pas les nazis, là, mais en Asie, les hiboux. Ouais. En ce moment. En Asie? Ben, tu sais, comme le continent Asie. Oui. Les hiboux, qu'est-ce qui est à mode? En fait, le hibou messager me dit que, selon ma chronique et selon tes jeux de mots sont excellents, Mathieu. Merci, Krim, il est menteur. Le hibou? Ouais. Mais hein, on carabine le hibou. Il n'y a plus d'hibou. Non, il n'y a plus d'hibou, donc il n'y aura plus de malaise. Il n'y aura plus de malaise. Non, c'est pour moi bonne année. Parce qu'il n'y a plus de hibou. Donc là, je vais vous présenter trois exemples de ce que Putumayo existe parce que, en fait, Putumayo, souvent, vont faire des compilations parce que les chansons existaient déjà. Donc Putumayo, c'est rare qu'il va produire des albums. C'est un travail de filtrage et pour chercher les chansons dans un thème. Oui, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des chansons qui existent déjà, il va les compiler et faire un album thématique. Mm-hmm. Donc, quand on dit que la musique adoucit les murs, je vous présente trois chansons en lien avec l'actualité internationale. Donc, je vous présente les chansons dans le désordre. La première, c'est apparu dans l'album Putumayo Presents Arabic Beat. C'est la pièce Sidi HBB de l'artiste Jala El Hamdawi. Donc, Jala El Hamdawi. La deuxième pièce, c'est Putumayo Presents a Jewish Celebration. La pièce, c'est Oko Kandelikas avec Aliza Feynman. Et ce qu'on va entendre en premier, c'est Putumayo. En fait, ce qu'on va entendre en premier, c'est tiré de l'album Putumayo Presents Native America avec la pièce Mani Utenam de Chloé Sainte-Marie. Ce qu'elle fait là, être dans Native America? Ben, elle, comme la pièce on entend Mani Utenam, c'est que dans ses albums, elle reprend souvent des poètes autochtones comme Joséphine Bacon. Donc, elle, Chloé Sainte-Marie, se retrouve là parce qu'elle chante une chanson, je me rappelle plus de la langue autochtone, mais c'est une pièce qui représente la culture, les diverses cultures autochtones. Y a-tu du cash-in sur cet album-là? Mmh. Bonne question, faudrait que je revérifie. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Mais quand même, Chloé Sainte-Marie est sur la version québécoise et sur la version Native America. C'est vrai, on l'avait mentionné tantôt. Ouais. Ouais. Mais c'est une très bonne artiste. Souvent, des années 90, on riait d'elle, mais depuis ce temps-là, c'est devenu une artiste confirmée, vraiment intéressante. C'est pas une grande voix comme Annie Villeneuve, mais elle a quelque chose. Puis pour en la plus, c'est peut-être Maybelline. Oh. Mm. Oh, oui, c'est une très belle femme de l'intérieur et de l'extérieur. Ah, j'ai pas vu. Ok. L'intérieur. Chloé Sainte-Marie, on écoute ça dans les notes salées avec David Ferron. Oui. Ça, c'est fou. Oui. 89. Comment ça, les deux chansons ne fonctionnent pas? Ah non! Oh non! Non, mais c'est ça qu'on vient d'entendre. L'autre, ça marche pas. Ah, ben, Colin. Parlons un peu. Oui. Parlons encore un petit peu, puis après ça, on va revenir avec les deux autres chansons, je te garantis. Eh oui! Parle n'importe quoi. Plug tes affaires, n'importe quoi. Excellent. Donc là, on vient d'entendre Chloé Sainte-Marie avec la pièce Mani Utenam, tirée de l'album plutôt présente Native American, mais là, je vais vous présenter deux autres pièces. Par contre, Puto Mayo, je sais pas combien qu'on fait d'albums en 20 ans, mais la compagnie de disques Puto Mayo, c'est plusieurs albums. Puis comme je l'ai dit, il y a des thématiques, pas nécessairement des thématiques en fonction des pays ou des groupes culturels. Ça pourrait même être des activités comme le yoga. Ah, c'est une bonne idée de la musique relaxante, mettons, pour le yoga, ben oui. Et oui, puis je vais en profiter. Une chance que j'ai une émission pour combler un trou, pour meubler un trou. Ça remplit très bien ton émission qu'on diffuse ici même, assez fou, là, tous les lundis soirs pour l'instant. Hein. Oui. Il t'en reste encore une. Oui, lundi soir à 18h, puis après ça, là, ça va être jeudi soir à 17h. C'est quoi cette émission-là, Palmarès du monde, David? En fait, ça se divise en deux. La première, c'est que je présente un top 5 des musiques du monde. Et la deuxième partie, c'est que je couvre l'actualité musicale partout dans le monde. Comme par exemple, ce soir, il y aura une entrevue avec l'artiste Tréfluvien, originaire du Burkina Faso, Basil Seni. Okay. Et là, il sort un album, La vie à son secret, jeudi, à la salle Francis Brisson à Shawinigan. Mm-hmm. Et moi, j'ai eu une entrevue avec Basil Seni jeudi passé. Et là, je vais pouvoir vous présenter l'entrevue. Et vraiment, j'ai écouté en primeur son album, son deuxième album. Et vraiment, c'est excellent, c'est varié. Ça mélange en fait la musique rock, puis de la musique des sonorités africaines. Par exemple, Basil Seni est très, très polyvalent parce qu'il joue du balafon. Le balafon, c'est une espèce de xylophone africain. Et du ngoni. Du ngoni, c'est une espèce de guitare africaine aussi. Ça fait un très beau son. Puis une de ses chansons, ça part, ça dure 5 minutes. Ça part, en fait, d'une musique vraiment très, très africaine, typiquement africaine. Et aussi... c'est... Et là, on parle de plus en plus. Et là, il y a quelque chose de très alternatif avec beaucoup de guitare. C'est quasiment grunge, là. OK. Donc, c'est vraiment varié. Il n'y a pas une toune qui se ressemble dans cet album-là, La vie en son secret de Basil Seni. Il y a autant des chansons avec des sonorités reggae. Des fois, on peut tomber dans le plus pop avec Fou de toi, notamment, qui est une chanson d'amour qui va vous toucher, qui va peut-être bien vous permettre de vous initier à la musique de Basil Seni. Sinon, c'est ça, la chanson que je vous parlais qui dure de 5 minutes et qui commence très musique de sonorité africaine avec, après ça, de quoi de plus en plus alternatif, de plus en plus grunge, c'est Le vent souffle plus fort, là, je vous donne des exemples comme ça, mais vraiment, c'est très intéressant. Et l'artiste Basil Seni, qui m'a accordé une entrevue, c'est vraiment un artiste très sympathique. On t'écoute donc ce soir à 18h pour Palmarès du Monde. On continue avec Alistair Feynman, qui était la deuxième artiste qu'on devait entendre. Donc allons-y avec l'extrait qui se nomme Ocho Canricas. Exactement. Dans les notes salées au 89 FM, c'est fou. Ouais! Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas. Ocho candelas para mí, muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Thank you. pa pa da ba da pa pa pa pa da pa da ba da yeah yeah pa pa da ba da pa. Non. Un petit côté reggae à la tune que je ne connaissais non, pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et attends, attends. Essaye ça, voir. Essaye ça, juste pour le fun. Serait-ce ça ici? Ah oui. C'est ça. On l'écoute. Puis après ça, on va arrêter d'interrompre, tu sais. Mais non. Ben non. On aime ça, parler par-dessus les chansons, nous autres. Thank you. C'était la pièce CDHBB de l'artiste Jala El Hamdawi, tirée de l'album Putumayo Presents Arabic Beat, précédée de la pièce Oko Candelicas de l'artiste Aliza Feldman, tirée de l'album Putumayo Presents a Jewish Celebration. Et avant, pour commencer ce beau trio Putumayenne, il y avait Chloé Sainte-Marie qui nous a chanté Mani Otenam, tiré de l'album Putumayo Presents Native America. Génial. Oui, de notre trio Putumayo. Voilà, c'est tout pour Putumayo. Et on te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique Linotte Salée. Oui! À Assemblage Requis. Et sinon, on t'écoute, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les lundis soirs, une dernière fois pour Palmarès du Monde. Et ensuite, ce sera les jeudis à partir de la semaine prochaine. Exactement. Merci David Ferron. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli, Stéphanie, Mathieu. Plaisir. Bonne journée. Yay. Au revoir. Bye. Au revoir. Allez. Au revoir. Bye. On prend une petite pause, on revient avec sa plus simple expression, c'est la chronique linguistique sur les grandes paroles que nous utilisons tous les jours à tort et à travers. C'est avec Stéphanie Paradis. Mais pour l'instant, une mini-pause, puis on revient à Assemblage Requis. Restez là. D'originalité sur le campus, c'est le 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, alors c'est lundi matin, 26 janvier 2015, Stéphanie Paradis là. Voyons donc, là. Répète ça. Comment? Non, c'était ton nom. C'était mon nom, c'est pas important, c'est ça. Ça va aller. Insérez votre nom ici. C'est ça, la musique qui joue pas fort, le micro qui est pas fort, ça c'est pas fort, c'est pas fort. Mais ce qui va être fort par contre, c'est ta chronique parce qu'elle est tout le temps forte. Hein? Veux-tu la continuer le micro fermé? Non, ça d'un va. D'un coup, ce serait meilleur. D'un coup, c'est forte comme un bœuf. Est forte comme un lutteur sumo. C'est sa plus simple expression. Hey, sa plus simple expression. Ça, c'est la chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer d'où viennent toutes ces expressions préfètes qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Sans s'en rendre compte, c'est pas la signification première des mots, mais on les utilise quand même, on les comprend, mais d'où ça vient? On y va en vrac aujourd'hui, hein? Okay. Aucune thématique. Non. Thématique, expression, tu te remplis un petit sac, tu mets ça dans balance, c'est 3 ou 4 fois plus cher que tu pensais que ça allait être, mettons? Ouais, j'ai... chez le petit magasin en vrac, là. Donc, on commence... tout de suite, on commence tout de go. OK. C'est tout de go. Ah, ben, c'est l'expression. Tout de go, ben, géo, évidemment. C'est tout de géo, en fait, l'expression. C'est tout de géo. Donc, c'est les gens qui vont aller sur les plages avec les touristes. C'est ça, un géo qui va leur montrer quoi faire. Ouais, dans les clubs med. C'est ça, donc tout de géo. C'est ça. C'est quand tout est composé de géo quand tu vas quelque part. C'est qu'il n'y a pas aucun touriste, c'est juste des géos. Ah, ça doit être agréable. C'est vraiment. Ouais, c'est. C'est agressant. Comme cocktail, je vais te prendre un géo au rhum. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux comme musique? OK, géo. Comme OK, go. C'est pas. Oh! Pourquoi pas? Ouais. Donc, tout de go, ça veut dire d'emblée, directement, d'un seul coup. Donc, l'expression est apparue au milieu du 17e siècle. Ben oui. Donc, elle est une déformation de l'expression tout de gobe. Donc, gobe étant un substantif tiré du verbe gober. OK, pas goberge, puis pas god comme Dieu, gobe. Gobe. Okay. G-O-B. Donc, avaler tout de gobe voulait dire avaler d'un trait. Donc, mais le mot gobe ou go n'étant plus utilisé, seul subsiste l'expression complète tout de go. Ah ben, toi. Voilà. Ensuite, faux-jeton. Ou faux-jeton, comme on faux-jeton, dirait. Faux-jeton, faux-jeton. On dit faux-jeton, mais du c'est coup... faux-jeton. ben, ça, c'est évidemment les géos.

be to you like that. Girl, you're shame with the shield of black. Cover your body with my trembling hand. And you dancing while I hold them back. Oh, back to morning and the chlorinous light. Soft Offering for the Oft Suffering par Heroes of Death sur leur album Second Sight. Je vous promets tantôt qu'on va discuter avec la pièce Kintsukuroi. Là, même que, gars, juste pour être sûr de vraiment le faire, là, je vais la placer tout de suite pour être sûr. Elle est placée. Elle va jouer, c'est sûr. Elle n'a pas choisi de placer. Mais pour l'instant, nous, c'est la fin d'assemblage requis pour aujourd'hui. Déjà, là. Ah, yeah, oui, chauffé. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, à l'émission, mardi, bien sûr, on va avoir nos chroniques récurrentes du mardi aux deux semaines, les chroniques du Zone Campus. Donc, on va voir Sébastien Evgartin avec son éditorial et Myriam Lortie, la rédactrice en chef, qui vont nous présenter le prochain numéro. Vous allez aussi retrouver la chronique culinaire Master Steph dans sa nouvelle case horaire du mardi en rotation avec une grosse pointe tendresse. Donc, on verra laquelle, mais c'est Master Steph une grosse pointe tendresse les mardis à 9h. Sinon, restez à l'écoute. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les coups des franges, émission d'affaires étudiantes. À 17h, c'est Radar Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde. 19h, le retour du voyage insolite ce soir. Nouvelle saison. Et à 20h, c'est Rock de Neuron. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On remercie David Ferron. Oui. Toi, Steph. Marie Melon, bien sûr. Et Mathieu Plante. Stéphanie Paradis. T'es fine. Pas tant du bon nom. Parce que j'avais juste dit ton prénom, je trouvais que c'était pas assez. Ah non, c'est pas mal. Ah ouais, ça va. Les gens vont me reconnaître. Ah ouais? Il faudrait faire attention pour qu'ils te reconnaissent. À demain.